Laisse aller ta plume. Raconte-nous tes peines pleines, tes belles plaies, mais surtout ce qui t'a plu. Remodélise ton vécu de la vie, du routendre. Que tu sois en R5 ou en Bentley, en Bentley, on a tous à apprendre. Le partage aurait suffi à étendre la paix, mais le monde a mis tout ça à vendre. Et c'est par page que j'écris ma vie, s'empilant comme des parpaings avec ma plume. Je crois que j'ai quitté ma ville, j'ai kické ma bille. Je peux pas forcer le destin, je reste humble, la modestie m'habille. Car je ne reste qu'un homme parmi tant d'autres quand la modestie valse, c'est qu'on surestime. Laisse. Y'a bien une chose que j'ai appris, c'est qu'on aura toujours besoin des autres. Est-ce une preuve de faiblesse? Non, en aucun cas, sans union la réussite est assez simple, on l'obtient pas. Alors laisse aller ta plume, ou ton cœur par tous les moyens, et donne tout de manière à ce qu'on ne voit rien. Trois fois rien, suffirait pour tout changer, il faut le savoir, mais c'est à croire que les gens ne voient rien. Alors fais la différence par l'universalité. Je sais, c'est presque un jeu de mots, mais c'est ça l'idée. C'est toi qui as les cartes en main. Vers le bien, si on est deux c'est mieux, mais si on est quatre, et bah c'est quatre en un. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Faut qu'on soutienne et qu'on se tienne les mains, tant qu'on peut en tenir. Malgré tes soucis, que tu comprennes les miens. Et vice versa, c'est hyper sale, car au fond, c'est les miens que ça vise. Et t'avises pas de faire salement les choses. La vie est courte, tu es dans le ciel, ici on se dépense qu'à briser les liens. Je trouve ça aberrant, je m'en fous de la rime à BAP. L'essentiel c'est que tu m'écoutes, car je laisse aller ma plume. Je laisse aller ma plume, je laisse aller ma plume. Alors toi, laisse aller ta plume. Laisse aller ta plume, laisse aller ta plume. Car si moi je laisse aller ma plume, je laisse aller ma plume, je laisse aller ma plume. C'est que tu le peux aussi, je laisse aller ta plume. Laisse aller ta plume, laisse aller ta plume. Alors laisse aller ta chute. On est maître de nous, donc mets pas le poids de ta chute sur l'état. Peu importe les épreuves, relève-toi, surtout reste toi-même. Mais ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Ne laisse jamais libre cours à la jalousie, la haine, la roue finira par faire son tour. C'est un son pour les vrais, ceux que j'aime. Et pour être complètement dans le thème, ce texte je l'ai écrit d'un trait. Moi j'ai des rêves, que la vérité les règles. Et le rap tourne autour de nos problèmes sans les régler. Mais malgré tout sensibilise quand défile le son. Je sais que je suis pas le meilleur, mais qui peut tester ma définition? Laisse aller ta plume, laisse aller ta plume, laisse aller ta plume. Laisse aller ta plume, laisse aller ta plume.